on s'entendra. Le père se perdra quand chanter, on sentira la fleur si belle. Et je me demande que le pharmacien a dans noté dans sa vocale. L'ex-corporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris, qui sourit. Car c'est la fleur du retour. Du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir à la fleurie. Fleur de Paris. Le paysan la voyait fleurir dans ses champs. Le vieux curé l'a dormi dans un ciel tout blanc. Fleur d'espérance, fleur de bonheur. Tous ceux qui se sont battus pour nos libertés, on peut toujours devant leur jeunes oublier. La fleur de France, aux trois couleurs. Allez, tout le monde, c'est une fleur de Paris, de partout. C'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout. Fleur de chez nous. Merci. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un soir, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, allez, tout le monde, la collègue. Sous son rouge pour la femme, foufou, foufou, de l'homme trouble l'âme, foufou, foufou, certainement la femme séduit, surtout par son gentil foufou, améliore les garçons. Ne fut jamais perçue à la cliente, c'est le foufou de son troupeau qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce foufou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain, il voit la vue en rose, il s'est négligé de la foule. Foufou, foufou, sous son séduit surtout par son gentil. Merci. Des yeux d'assassins, gens comme ailleurs. un serment, mais qu'à l'heure, j'étais fou de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, bien sûr, ce qu'il est des temps, mon bel amant, mon amant de Saint-Jean, elle ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Merci. La tenue couture est en fête, on oublie l'ouvrage à l'instant, car c'est aujourd'hui une marinette, mais tout juste avoir ses 20 ans. Trop ta petite maille pour eux. Tu vois qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hé, bébé, tu te mets grand chocolat? Moi, je vais t'engueuler si tu continues. Est-ce que j'ai le droit de l'engueuler? Oui. Dire bonjour à mamie. Bah, t'as le droit de venir lui dire bonjour, gars. Viens lui serrer la main. Comment tu t'appelles? Zacharie. Dis bonjour à Zacharie. Allez, mamie, dis bonjour à Zacharie. Et toi, tu viens lui dire bonjour? Allez, viens. Coucou. Comment tu t'appelles? Comment elle s'appelle? Allez, tu viens. Tu serres la main à Manu. Lui fais coucou. Désolé, monsieur.